إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 55 dans l'explication du livre Al-Kaba'ir, écrit par le Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab avec les commentaires et les explications de Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah. Et donc aujourd'hui, on est arrivé à un nouveau chapitre. Et ce chapitre-là, il s'intitule Babu ma ja'a fi an-namima. Babu ma ja'a fi an-namima. C'est-à-dire ce qui a été rapporté au sujet de la médisance. La médisance et aussi le fait de colporter des rumeurs ou colporter des paroles, de raconter des choses derrière le dos des gens ou des choses comme ça. Ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle en arabe an-namima. Le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a cité un verset dans le Coran, puis il a cité des hadiths. Le premier verset qu'il a cité, c'est le verset 11 dans Surat Al-Qalam. وقول الله تعالى هماز مشاء بنميم. Et ensuite il cite un hadith qui est rapporté selon Hudhayfa رضي الله عنه مرفوعا. Il dit لا يدخل الجنة نمام. لا يدخل الجنة نمام. Et c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc c'est un hadith sahih. Et il y a une autre version qui est apportée par Al-Bukhari qui dit « La yadkhulu al-jannata qattat »« Qattatun » et « Al-Qattat huwa al-Nammam » »« Al-Qattat huwa al-Nammam » Donc, le Qattat, c'est la même chose que Al-Nammam, c'est-à-dire celui qui fait Namima et qui colporte la médisance et les fausses rumeurs et les choses comme ça. Donc, le Cheikh, il dit ensuite ولهما في حديث القبرين إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه كبير أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة الحديث ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا ألا هل أنبئكم ما العضه هي النميمة Al-qallatu bayna an-nas. Donc le premier hadith ou l'autre hadith qu'on a, le deuxième hadith que le cheikh il a cité, c'est un hadith qui est également rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. C'est un hadith qui est très connu et c'est le hadith dans lequel on mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé à côté de deux tombes. Et ces deux tombes parmi les tombes de deux musulmans qui sont morts. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ces deux-là sont en train d'être châtiés. Il est passé à côté de leur tombe et il a dit ces deux-là sont en train d'être châtiés. Et ils ne sont pas châtiés pour quelque chose de grave, de grand. Il dit mais en réalité c'est grand. Il a dit un d'entre eux, il ne se préservait pas des gouttes d'urine. Quand il allait uriner, il ne se préservait pas de l'urine. Et le deuxième, il marchait en répandant la médisance. Et dans l'autre hadith que le cheikh il a cité, c'est le hadith rapporté par l'imam Muslim. Et il dit donc que c'est rapporté selon Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhuma, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: voulez-vous que je vous informe de ce qu'est Al-Adhu? Al-Adhu. Alors, il a dit c'est Al-Namima. Et il a expliqué en disant que c'était Al-Qalatu Bayan Nas. Des choses que les gens ils propagent, des rumeurs, des médisances, et qu'ils font circuler. Donc le premier verset qu'on a lu, c'est le verset dans Surat Al-Qalam, le verset 11. On n'a pas lu la traduction. Ça dit: grand diffamateur, grand colporteur de médisance. Hammazin Masha'im Binamim. Masha'im Binamim, yani Namim, c'est la médisance, namima. Donc c'est quelqu'un qui marche et qui colporte et qui diffuse la médisance autour de lui. Donc on va lire maintenant les commentaires et les explications de tous ces textes qu'on a lus. Et le cheikh Salih Al-Fawzan, hafizahullah, il dit: النميمه من الكبائر ايضا والنميمه معناها نقل الحديث بين الناس على الوجه الوشاية، يأتي لفلان ويقول له: فلان يشتمك ويتكلم في حقك، ويذهب إلى الآخر ويقول له مثل ما قال للأول، فينقل كلام الناس بعضهم لبعض أو بعضهم في بعض من أجل الإفساد بينهم. وجاء في الأثر: إن النمام يفسد في ساعة ما يفسده الساحر في سنة، فهذا أشد إفسادا من الساحر، نسأل الله العافية. Donc le cheikh il explique que an-namima, c'est ce qu'on appelle parfois la médisance. On traduit par la médisance, il ne faut pas penser que c'est yani la traduction parfaite et exacte. Sauf que ça nous donne un peu de ce que signifie an-namima. Mais la réalité de an-namima, c'est que ça fait partie des grands péchés. Et sa signification, c'est de colporter les propos des gens dans le but de créer de la fitna, dans le but de créer du désordre entre les gens. Donc, tu vas voir, une personne va voir quelqu'un, puis il lui dit, un tel, il t'insulte, il parle contre toi, il dit des choses à ton sujet. Et il va voir l'autre, et il lui dit la même chose qu'il a dit au premier. Un tel, il parle contre toi, il t'insulte, il te dénigre, il parle contre toi. Et la raison pour laquelle la personne elle fait ça, c'est dans le but de ramener la parole des uns et des autres, les uns contre les autres, et pour créer du désordre entre eux, et pour qu'il y en ait des conflits entre eux. Donc la personne qui agit comme ça, c'est quelqu'un qui veut le mal. Et c'est pour cette raison qu'il y a une asa, une narration qui est transmise de la part des salafs, et qui dit que la personne qui fait la médisance et qui colporte la médisance, elle peut faire plus de désordre en une heure que le sorcier peut faire en une année. La personne qui fait namima, elle fait plus de désordre, plus de mal en une heure que le sorcier peut faire en une année complète. Et donc c'est pour dire que cette personne, elle fait plus de désordre que le sorcier. Nasallallahu al-afiyah. Et en réalité, dans le kitab al-tawhid, il y a cette athar qui est mentionnée. Et dans les explications que les ulama mentionnent à ce sujet-là, c'est que, yani, des fois, tu vois que les gens commencent à colporter, à propager des propos, pour faire le désordre autour de toi. Du jour au lendemain, tu réalises que un tel ou une telle, elle ne te parle plus, ou elle agit avec toi bizarrement, tu te dis, mais comment ça se fait? Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi? On était bien, on avait une bonne amitié, une bonne relation. Du jour au lendemain, la personne, elle agit bizarrement avec moi, elle ne me parle plus, elle me regarde avec un regard fâché. Qu'est-ce qui s'est passé? La réalité, c'est qu'il y a des gens qui sont allés la voir, ils lui ont dit à ton sujet des choses, ou ils ont dit, par exemple, que tu parlais contre elle ou des choses de ce genre, donc, alors que ce n'était même pas vrai. Hein? Ou bien qu'elle l'a dit, mais dans un contexte, alors que toi, tu ne l'avais pas dit dans ce sens-là, eux, ils l'ont interprété pour créer justement des conflits et des désordres. Donc, ça, c'est des exemples, et c'est pour montrer que yani, ça fonctionne comme, ou ça se propage comme de la sorcellerie. Parce que toi, tu ne le vois pas. Hein? Tu ne vois pas qu'est-ce qui se passe, mais ça se passe tout en cachette, yani, ça se passe derrière les rideaux, comme on dit. فالواجب على المؤمن أنه إذا سمع كلاما يقال في حق المسلم أن لا يكتفي بالسماع والسكوت بل لا بد له أن ينصح المتكلم ويبين له أن هذا حرام وغيبة ولا يذهب ينقل الكلام للمتكلم فيه هذه هي صفات المؤمن أما المنافق فإنه يفرح يفرح بما حدث من أجل أن يفسد ويوقع العداوة بين الناس والنميمة شر وفساد وهي يعني تقوض دعائم المجتمع وتشيع العداوة والبغضاء بين الناس وقد تثير الحرب ولهذا جاء الوعيد الشديد بحق النمام. Donc le cheikh il dit que l'obligation pour le croyant, c'est que lorsqu'il entend des paroles de ce genre qu'on raconte à propos d'un musulman, il ne doit pas se limiter juste à écouter puis à se taire. Il faut qu'il donne à la personne qui lui parle et qui lui rapporte ce genre de médisance, il faut qu'il lui donne le bon conseil et qu'il lui explique que ce que cette personne-là est en train de faire, c'est haram. Et c'est du riba, c'est de parler dans le dos. Et que ça rentre dans les grands péchés. Et donc, il ne va pas commencer à aller propager la parole de la personne et à commencer à dire ça aux gens. Un tel est venu me voir, il m'a dit telle chose au sujet d'un tel et des choses de ce genre. Non, le croyant, il n'agit pas comme ça. Hein? Il donne le conseil à la personne. Il dit, taqillah, ça c'est haram. Pourquoi tu viens me raconter des choses sur un tel ou un tel? Tu viens me parler des gens. Pourquoi tu fais ça? Taqillah, ça c'est haram, c'est de riba. Hein? C'est namima, il ne faut pas agir comme ça. Et il ne se réjouit pas de ça. Donc ça, c'est la caractéristique du croyant. Le croyant, c'est comme ça qu'il agit. Tandis que l'hypocrite, quand il entend des choses comme ça, ou il voit des choses comme ça qui se produisent, lui, il se réjouit, il est content. Hein? Parce qu'il voit qu'il va y avoir de l'animosité entre les gens, du désordre entre les gens. Donc elle se réjouit. Parce que l'hypocrite, il aime ça, ce genre de choses. Et le cheikh, il explique que namima, la médisance, ça c'est un mal, c'est du désordre. Et ça détruit les fondements et les assises de la société. Et ça fait en sorte que se propage entre les gens la haine et l'animosité. Alors ça peut même créer des guerres. Hein? Vous imaginez, entre les dirigeants, lorsque un va dire à un dirigeant, un tel dirigeant, il t'insulte. Hein? Il dit que yani, tu vaux rien, des choses comme ça. Puis l'autre, il va dire à l'autre dirigeant que l'autre, il a dit la même chose sur lui, alors que c'est même pas vrai. Pour créer du désordre. Et là, après, il se déclare la guerre à cause de ça, puis il commence à se combattre et se massacrer les uns les autres. Donc ça peut même créer des guerres, et donc c'est pour cette raison-là que les menaces sont très sévères au sujet de la personne qui fait un namima. الشيخ يقول ensuite ومن صفات النمام أنه يكثر الحلف بالباطل ولهذا قد نهى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عن طاعة هؤلاء الذين يكثرون الحلف بالباطل فقال تعالى ولا تطع كل حلاف مهين والحلاف كثير الحلف إذا أصبح الإنسان كثير الحلف أو كثير الحلف كان هذا دليل على كذبه ولذلك فهو يعمد إلى كثرة الحلف حتى يصدقه الناس أو يصدقه الناس وهذا يدل على عدم تعظيمه لله بإكثاره الحلف بالباطل وتساهله باليمين. Donc le cheikh, il explique que parmi les caractéristiques de An-Namam, celui qui fait Namima, c'est qu'il jure constamment et il jure de façon mensongère, hein? Comme si il est toujours en train de dire Wallahi, Wallahi, à chaque fois quand il parle, dit Wallahi, je te dis, ah, ya Allah, hein? Allah, je te dis, mon frère, j'ai fait ça, ou il a dit ça, ou il a fait ça. Et puis c'est même pas vrai, hein? Il jure tout le temps. Et Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que son messager ont interdit d'obéir ceux qui jurent constamment et de façon mensongère et de façon injuste. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat al-Qalam, le verset juste avant celui qu'on a lu tout à l'heure, le verset 10, وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ. Donc le verset qu'on a lu tout à l'heure c'était le verset 11, le verset juste avant. Ça dit, et n'obéit pas, et n'obéit à aucun grand jureur méprisable. Grand jureur, c'est-à-dire halaf. En arabe, quand on met un nom sous la forme fa'al, ça veut dire que non seulement la personne, elle, comme quand on dit par exemple celui qui fait l'action, on dit en arabe que c'est al-fa'il, celui qui fait l'action. Et al-fa'al, c'est celui qui fait l'action mais qui le fait beaucoup, hein, énormément. Donc c'est comme quand on dit par exemple kadhib. Kadhib, c'est le menteur. Kadhab, c'est celui qui ment tout le temps. Halif, c'est celui qui jure. Halaf, celui qui jure tout le temps. Hein, il ne fait que ça. Donc, c'est une des formes dans l'arabe que si tu mets un mot, ou le nom de celui qui fait l'action, le fa'il, tu le mets sous cette forme de fa'al, ça veut dire celui qui le fait beaucoup. Ok, ça peut être dans le bien comme ça peut être dans le mal, hein? Comme Hamid, celui qui glorifie Allah, Hamad, celui qui glorifie tout le temps, hein? Donc ça peut être dans le bien comme ça peut être dans le mal, c'est pas juste pour dire des choses toujours négatives, hein? Donc ici on voit wala tuti, c'est-à-dire n'obéis pas à celui qui fait constamment des serments et qui jure tout le temps. Hein, quand il fait quelque chose, il jure. Et pourquoi il jure tout le temps? C'est parce que c'est un menteur. Et il est obligé de jurer pour que les gens le croient. Hein? Donc quand quelqu'un jure tout le temps, c'est un signe que c'est un menteur. Hein? Pour que les gens croient en ce qu'il dit. Et ça indique quoi? Ça indique que la personne n'a pas de respect pour Allah subhanahu wa ta'ala. En jurant beaucoup comme ça, et de façon mensongère, et de prendre les serments qu'il fait à la légère, ça prouve que la personne ne respecte pas Allah. Parce qu'elle jure par Allah puis elle ment. Donc ça prouve qu'il y a un problème chez cette personne-là. Après le cheikh, il dit, « ثم قال هماز مشاء بنميم. » Donc, on a dit, « الهماز هو الذي يغتاب الناس. » مشاء بنميم, يعني, le cheikh il explique, il dit يغتاب الناس, قال تعالى ويل لكل همز همزة لمزة يمشي بالنميمة يغتاب الناس الهمزة. Et مشاء بالنميم, وهذا محل الشاهد, أي يمشي في الناس بالنميمة فينقل حديث بعضهم إلى بعض فينقل حديث بعضهم إلى بعض من أجل الإفساد بينهم والعياذ بالله. ولذلك جاء هذا النهي من الله تعالى بعدم إطاعة النمام وأخذ الحذر منه وعدم تصديقه فيما يقول وأن لا يتخذ صديقا لأن هذا النمام كما أنه قال عندك في كما أنه قال عندك عن غيرك فإنه لن يتورع عن الكلام عليك في عند غيرك عن الكلام عليك عند غيرك. Ça c'est vrai. Le cheikh il dit. Puis ensuite Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset qu'on a dit tout à l'heure, Hammazim Masha'im bin Amin. C'est-à-dire quelqu'un qui parle dans le dos, qui parle, qui dit des mauvaises choses des gens derrière leur dos, un diffamateur, quelqu'un qui diffame les gens, qui ment sur eux. Et Masha'im bin Amin, yani qui colporte de la médisance. Et à propos de al-hammaz, celui qui fait beaucoup de hams, al-hams est dit ici, comme dans le verset dans sourate al-humaza, wailun li kulli humazatin lumaza. Donc ils font al-hams ou al-lams. Et attends, pour voir la traduction de ce terme, on a dit que al-hammaz c'est celui qui نعم ولكن الشيخ قال الهماز هو الذي يغتاب donc الهماز c'est celui qui parle dans le dos hein, qui fait du riba et je cherche le verset oui c'est ça وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةِ اللُّمَزَة malheur à tout calomniateur diffamateur donc الهماز et Al-Hamz, ces deux caractéristiques qui sont blâmables. Et il dit que Al-Masha' ibn Amir, comme on l'a dit tout à l'heure, celui qui colporte la médisance, qui transporte la parole de l'un à l'autre, dans le but de faire du désordre et corrompre entre les gens. Wal-iyadhu billah. Et c'est pour cette raison-là que Allah nous a interdit d'obéir à cette personne ou il nous avertit également de prendre nos gardes vis-à-vis de ce genre de personnes et de ne pas croire en ce qu'ils disent. De ne pas croire en ce qu'ils disent et de ne pas prendre ce genre de personnes comme amis. De ne pas prendre ce genre de personnes comme amis. Parce que le cheikh, il dit un point ici, et ça c'est très intéressant, et c'est vrai. Il dit, si cette personne est capable de venir te voir ou te parler des autres, ça veut dire qu'elle est capable d'aller voir les autres pour parler de toi. C'est logique. Hein, qu'est-ce qui fait que la personne, hein, elle est capable de venir te voir et te dire du mal des gens, qu'est-ce qui l'empêche d'aller voir les gens pour parler et dire du mal de toi, hein? Rien. Donc il faut vraiment faire attention à ce genre de personnes. Et le cheikh il dit wa fi hadith al-bab wa'idun shadidun lin-nammam faqad qala sallallahu alayhi wa sallam la yadkhulu al-jannata nammamun ay kathirun namima. فهذا ليس معناه فهذا ليس معناه أنه لا يدخل الجنة لأنه كافر ولكن هذا من باب الوعيد لأنه سيدخل النار ويعذب فيها طويلا ثم يخرج ويدخل الجنة فهو من أصحاب الكبائر التي هي دون الشرك والنميمة فيها حق للمخلوق فلا يسلم النمام من الإثم illa idha samahahu al-makhluq. Donc ça c'est la suite. Le cheikh il explique maintenant le hadith qu'on a lu, qui est que le namam, celui qui fait le namima et qui colporte beaucoup de médisance, il ne va pas rentrer au paradis. Il ne va pas rentrer au paradis. Et ça ne veut pas dire que cette personne elle n'entre pas au paradis parce qu'elle est kafir. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à propos de quelqu'un qui fait un péché qu'il ne va pas rentrer au paradis ou qu'il va aller en enfer, ça ne veut pas dire qu'il est mécréant, ça ne veut pas dire qu'il est kafir, mais c'est dans le but de savoir qu'il y a une menace à propos de la personne qui agit de cette manière, qu'il y a une menace d'entrer en enfer et d'avoir un châtiment, et que ce châtiment-là, il va être long pour la personne qui le commet, et que ensuite, bien entendu, elle sortira de l'enfer et elle va rentrer au paradis. Hein, parce que ça c'est ce qui est dit à propos des gens qui commettent des grands péchés parmi les musulmans, hein, lorsqu'ils commettent des grands péchés qui sont moindres que le shirk, on dit à leur sujet que même si Allah décide de les faire rentrer en enfer, ils ne vont pas demeurer éternellement en enfer. Ils vont entrer en enfer un certain temps, puis quand Allah va décider, il va les faire sortir de l'enfer et les faire rentrer au paradis. Et ça, c'est la position de l'islam vis-à-vis des gens qui font des grands péchés. Et peu importe le grand péché que la personne commet, que ce soit un namima ou un autre, c'est toujours la même chose. Tant que la personne, lorsqu'elle meurt, elle meurt sur le tawhid et elle n'a pas commis du shirk majeur, hein, si elle meurt sur un grand péché, elle est sous la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah veut, il va lui pardonner et le faire entrer au paradis directement. Et si Allah décide par sa sagesse et par sa justice de le châtier, il va le châtier en enfer pour un certain temps. Mais étant donné que c'était un croyant et que c'était pas quelqu'un qui faisait du shirk majeur, alors il ne va pas demeurer éternellement en enfer, il va sortir de l'enfer et rentrer au paradis. Et la preuve de ça, c'est, il y en a plusieurs, on en a parlé déjà, et par exemple le verset dans Surat al-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha » C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala ne pardonne pas qu'on commette le shirk avec lui, qu'on fasse le shirk avec lui, mais il pardonne tout autre péché qui est moindre que le shirk à qui il veut. Il pardonne tout autre péché qui est moindre que le shirk à qui il veut. Et donc, le shaykh il dit que an-namima, dans la médisance, il y a un droit qui appartient à la créature là-dedans. Déjà, la personne a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, et en plus, elle transgresse contre le droit d'une créature. Donc, pour être pardonnée, la personne peut être pardonnée d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais pour être pardonnée, il faut qu'elle soit pardonnée aussi de la créature, c'est-à-dire de la personne contre qui elle a parlé. Donc, il faut que la personne contre qui elle a fait ce péché-là l'excuse et lui pardonne aussi. Parce qu'elle a un droit, il a porté atteinte à un droit d'une autre personne. Donc, il doit avoir le pardon d'Allah et le pardon de cette personne aussi pour être pardonné. Et des fois, comme on dit, Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il pardonne. Et son pardon est immense. Et il est miséricordieux et pardonneur. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala peut pardonner. Mais parfois, les êtres humains sont durs. Et ils refusent parfois de pardonner. Donc, c'est pour cette raison-là que c'est parfois très difficile, lorsqu'on a commis ce genre de péché-là, de justement d'obtenir la grâce d'Allah et de son pardon. Ensuite, le cheikh il dit wa fi thani hadithay al-bab wa huwa hadith al-qabrayn annahu marra sallallahu alayhi wa sallam ala qabrayn فأطلعه الله عز وجل على ما في داخل القبرين من العذاب وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم لأن أحوال القبور من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله فنحن لا نعلم ما في القبور ولا ندري من يعذب ومن ينعم فيها. كنت تريد أن تقول شيئا. هل أسكلي جون بريس في جون دبيت على سيريبا نميمة؟ أوكي، on va parler de ça après, inshallah. بارك الله فيك. نعم، donc le cheikh il dit que le deuxième hadith qui est mentionné dans ce chapitre, c'est le hadith à propos des deux tombes. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé à propos de deux tombes, et que Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait savoir ce qu'il y avait comme châtiment pour ces deux personnes qui étaient enterrées. Et ça fait partie des miracles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car la réalité de l'état de ce qui se passe dans les tombes, ça fait partie de l'invisible, ça fait partie du règne. Et il n'y a personne qui peut le connaître excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit فَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ مَا فِي الْقُبُورِ وَلَا نَدْرِي مَنْ يُعَذَّبْ وَمَنْ يُنَعْمُ فِيهَا. On ne peut pas savoir qu'est-ce qui se passe dans les tombes, et on ne sait pas non plus qui est en train d'être châtié et qui est en train d'être dans les délices de la tombe. Il dit وَرُبَّمَا يُدْفَنُ اثْنَانِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ فَيَكُونُ الْقَبْرُ فِي حَقِّ أَحَدِهِمَا نَعِيمٌ وَرَوْضَةٌ من رياض الجنة وفي حق الآخر حفرة من حفر النار فهذا من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن الله أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم من باب إظهار المعجزة له صلى الله عليه وسلم، ولأجل نصيحة الناس بهذين الأمرين اللذين عذب أصحاب القبرين بسببهما. Donc le cheikh il explique ensuite que peut-être que deux personnes peuvent être même enterrées dans la même tombe. Deux personnes peuvent être enterrées dans la même tombe. Hein, ça arrive des fois. Et il dit que c'est possible que pour l'un des deux, sa tombe soit un jardin et des délices parmi les jardins du paradis, et que pour l'autre, ce soit un gouffre parmi les gouffres de l'enfer. Alors que les deux sont dans la même tombe. Hein? Pourquoi? Parce que ça fait partie des affaires de l'invisible, que seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît. Mais il a fait savoir de certaines de ces choses, hein, à ses messagers, et à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le but de montrer un miracle, et en même temps pour qu'il donne la nasiha, hein, pour qu'il donne le bon conseil à propos de ces deux personnes qui étaient en train d'être châtiées, et pour expliquer la cause de leur châtiment. Pour expliquer la cause de ce châtiment, pour qu'on puisse éviter, hein, ce genre de choses-là, nous aussi. Et il mentionne le verset 26 et 27 dans Surat al-Jinn, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: عَلِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنْ يَرْتَضَى مِنْ رَسُولِ. Il dit, à propos de lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala dit: عَلِمُ الْغَيْبِ, c'est lui qui connaît l'invisible. Et personne ne peut avoir connaissance de son ghaib ou de l'invisible, excepté celui à qui Allah a agréé comme messager. Donc, il ne donne pas la connaissance de l'invisible à personne, excepté à des messagers qu'il a agréés. Et la connaissance qu'il donne aux messagers de qu'est-ce qui est invisible ou de l'inconnu, il le donne uniquement selon qu'est-ce qui est nécessaire et qu'est-ce qui est bénéfique pour les hommes. C'est-à-dire que le messager, il ne connaît pas tout le ghaib. Il connaît certaines choses du règne, mais pas tout, hein? Puisque c'est un être humain, le messager, alayhi salatu wassalam, c'est un être humain, hein? Et il ne connaît pas donc tout le règne. Et même il y a un verset dans le Coran qui dit, yani, ça dit, walau kuntu a'lamul ghaib, lastakthartu min al-khayr wa ma massani as-su. Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne aux messagers de dire: et si je connaissais le ghaib, j'aurais fait venir sur moi-même beaucoup de bien et aucun mal ne m'aurait touché. Hein? Donc c'est la preuve que lui-même, le messager, il ne prétend pas connaître l'invisible. Et non. Donc le cheikh il dit ensuite: فَحِنَمَا قال صلى الله عليه وسلم إنهما لا يعذبان ولم يكن الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا معه صلى الله عليه وسلم يرون شيئا ثم قال وما يعذبان في كبير أي لا يعذبان في أمر كبير عليهما تركه ولكن تركه سهل عليهما لو تركاه لكنهما تساهلا فيه فصار كبيرا وهذا يعني أنه إذا تساهل المرء في الذنب حتى ولو كان من الصغائر صار عظيما. Donc le cheikh il explique maintenant. Il dit: et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: et ils sont en train d'être châtiés tous les deux. Et le cheikh il dit: et eux, les sahaba, ils ne voyaient pas, hein, ils ne voyaient rien. C'est le messager sallallahu alayhi wa sallam qui leur dit ça. Mais eux, sinon, ils ne voient pas ce qui se passe dans la tombe. Et il dit ensuite: وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ. C'est-à-dire, ils ne sont pas en train d'être châtiés pour quelque chose de grave, pour quelque chose de grave. Et le cheikh, il dit: qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire, la chose pour laquelle ils sont châtiés, c'est pas quelque chose qui était grand pour eux ou difficile pour eux de le délaisser. C'est-à-dire, c'était quelque chose qu'ils auraient pu éviter facilement. Mais ils l'ont délaissé hein, ou plutôt ils l'ont fait et ils ont pris ça à la légère. Ils ont pris ça à la légère et ils n'ont pas porté attention, hein, à ça. Et donc, à cause de leur négligence vis-à-vis de ce péché-là, eh bien, c'est devenu grave. C'est devenu grave. Et donc, le cheikh, il explique que ça, c'est la preuve que si quelqu'un prend un péché à la légère, même si c'était un péché petit, même si ce péché-là était petit, à cause de la négligence vis-à-vis du péché, il est devenu grave. Il peut devenir grave. Donc ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un peut commettre un petit péché, mais que par rapport à son état dans son cœur, au moment où il commet ce péché-là peut devenir grave. Ce péché-là peut devenir plus grave. Parce qu'il ne lui donne pas d'importance. Il prend ça à la légère. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, يَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. C'est-à-dire, ils le prennent comme étant quelque chose de hayyin, facile, hein, pas grave. Alors que pour Allah, c'est très très grave. Donc il ne faut pas prendre le péché à la légère. Et les salafs, ils disaient, ne regarde pas le péché, la grandeur ou la petitesse du péché que tu fais, mais regarde plutôt la grandeur de celui que tu désobéis. Regarde plutôt la grandeur de celui que tu désobéis. Hein? Donc il y a des gens qui disent, non, mais ça c'est pas grave, c'est un petit péché. Hein. Il y en a encore plus grave que ça, ils font un péché, puis ils disent, ah, mais est-ce qu'Allah il va me châtier pour ça? Est-ce qu'Allah il va me châtier pour ça? Il va me mettre en enfer pour ça? Comme si pour lui, il a dénigré le péché, au point de dire que ce péché-là, selon lui, ça ne mérite pas ce châtiment-là. Donc pour lui, le péché en question, il ne mérite pas le châtiment mentionné. Ça, c'est grave. Ça, c'est non seulement c'est de dénigrer le péché, mais en même temps, c'est de l'insolence, yani, envers Allah subhanahu wa ta'ala, envers le messager, envers la révélation, yani. Donc ça c'est très grave de penser comme ça ou d'agir comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui sait quel châtiment le péché mérite, hein? Après il dit wa qawluhu bala innahu kabir yadullu ala anna mima kabira min kaba'ir adh-dhunub thumma dhakara sallallahu alayhi wa sallam أن أحدهما كان يمشي بالنميمة وهذا محل الشاهد من الحديث فدل على أن المشي بالنميمة من أسباب عذاب القبر. Le cheikh il dit, et après le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, oui, en fait c'est quelque chose de grave, hein? Il dit, ils sont pas en train d'être châtiés pour quelque chose de grave, mais oui, en fait c'est quelque chose de grave. Ça veut dire, quand il dit la première fois qu'ils disent qu'ils sont en train d'être châtiés pour quelque chose de grand, c'est-à-dire, ou plutôt ils ne sont pas en train d'être châtiés pour quelque chose de grand, c'est-à-dire que ce n'est pas grand, dans le sens que ce n'est pas difficile de l'abandonner ou de le délaisser, ce péché-là. Et dans la suite, il dit, bala innahu kabir. Ça veut dire, oui, c'est quand même, oui, c'est un grave péché. Et il explique que, donc, ça c'est la preuve que An-Namima, la médisance, c'est un parmi les grands péchés. Et il mentionne par la suite que, qu'un d'entre eux, il colportait, hein, il marchait avec la médisance. Et c'est ça ce qu'on a voulu prouver en mentionnant le hadith. C'est ça le but d'avoir mentionné ce hadith-là, parce que ça parle du sujet de notre chapitre, An-Namima. Et que c'est une des causes, parmi les causes du châtiment de la tombe. Ok? Après, il dit, وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَبْرَأُ مِنَ الْبَوْلُ. Et dans une autre narration, كَانَ لَا يَسْتَثِرُ مِنَ الْبَوْلُ. Donc, يَسْتَبْرَأُ, يَسْتَثِرُ, c'est dans le même sens. Ça veut dire qu'il y en a un d'entre eux, il ne se préservait pas des gouttes d'urine quand il allait faire hein, ses affaires. Quand il allait uriner ou quand il allait faire ses besoins, il ne faisait pas attention que des gouttes d'urine tombent sur lui ou sur ses vêtements. Il dit وَهَذَا مِنْ أَسْبَابِ الْعَذَابِ فِي الْقَبْرِ فَالْبَوْلُ نَجِسْ فَعَلَى الْمُسْلِمِ الْاِسْتِنْزَامِ من القذرات ثم يجب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ثم يجب التجنب لكل النجاسات لأن المتنجس لا تقبل له عبادة حتى يغسل النجاسة ولهذا يجب العناية بتطهير الثياب والتنزه من البول إما بالاستجمار وإما بالاستنجاء. Donc le cheikh il explique que parmi les causes donc du châtiment de la tombe, il y a le fait de ne pas se préserver de l'urine. Et il dit que l'urine est impure, c'est une impureté, et que le musulman il doit se préserver de tout ce qui est impur, de tout ce qui est sale. Et il dit qu'il est obligatoire pour le musulman de s'écarter de toutes les sortes d'impuretés. Et il dit que une des raisons de ça, c'est parce que la personne qui a de l'impureté sur lui, qui a de l'impureté sur ses vêtements ou sur son corps, elle ne peut pas prier jusqu'à ce qu'elle se soit lavée de cette impureté-là. Donc c'est obligatoire donc de faire attention à la purification de nos vêtements et d'être pur de toute forme d'impureté, que ce soit l'urine ou autre, et c'est en faisant soit al-istijmar, soit al-istinja. Al-istijmar, c'est lorsqu'on se nettoie avec des pierres ou avec qu'est-ce qui peut prendre la place des pierres, comme le papier, actuellement le papier hygiénique, et al-istinja, c'est avec de l'eau, hein, de se laver avec de l'eau. On peut faire un ou l'autre, ou les deux ensemble. Utiliser le papier et l'eau, ou utiliser que le papier si on n'a pas d'eau, ou utiliser que de l'eau si on n'a pas de papier. Hein? On peut utiliser les deux. Et utiliser les deux, c'est ce qu'il y a de mieux. Ouais, si tu veux. ومعنى لا يستبرئ أي لا يقطع أثر البول أي لا يحترز من البول فالواجب على المسلم أن يتنبه لهذا عندما يريد التبول وهذا الحديث بيان خطر النميمة وأنها من أسباب عذاب القبر. Donc le cheikh il dit et la signification la yastabri'u, ça c'est dans cette narration. Il y a l'autre narration qui mentionne yastatir, la yastatir, la yastatir, as-sitr, il se couvre pas contre l'urine et il ne se préserve pas contre les gouttes d'urine. Et il dit donc il faut enlever les traces d'urine et nettoyer, purifier et se préserver contre les gouttes d'urine ou les éclaboussures, parce que c'est obligatoire pour, dans le but de rester propre et pur. Le cheikh il dit ensuite que ça c'est dans ce hadith il y a la clarification que an-namima c'est quelque chose qui est dangereux et que ça fait partie des causes du châtiment de la tombe. Une chose qu'on peut mentionner que le frère il m'a rappelé tout à l'heure aussi, c'est que des fois il y a des gens qui comme par exemple Les ulama de la religion, les ulama de l'islam, ils vont parfois avertir les musulmans contre un individu, contre un prêcheur, contre un autre cheikh, ou contre un autre alim, un autre savant. Et ils vont mettre en garde contre lui et avertir à son sujet les musulmans à propos d'une erreur qu'il a commise, ou bien à propos d'une parole que l'autre personne a mentionné ou a dit qui était incorrecte, et que peut-être que cette personne elle n'a pas voulu revenir sur cette parole, elle n'a pas voulu se corriger, ou bien que cette parole elle a été propagée, que et elle est répandue partout. Tout le monde l'a entendu, mais que c'est une parole qui est mauvaise, qui est fausse. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Hein? Il y a des gens qui, il y en a des gens qui disent, ah non, mais ça c'est de la médisance. Pourquoi ce cheikh-là, il parle contre l'autre cheikh? Pourquoi ce cheikh, il dit que l'autre cheikh, il est égaré, ou qu'il a des erreurs, ou qu'il est dans l'égarement? Hein? Surtout si c'est un innovateur, si c'est un muqtadir. Hein? Quelqu'un qui appelle à la bid'a et à l'égarement. Hein? Donc, il a une bid'a dans sa aqidah, il a une bid'a dans son manhaj. Donc, on met en garde contre lui, on avertit les musulmans contre lui. Donc, il y en a qui disent, ça c'est de la médisance, ça c'est haram, il ne faut pas faire ça, pourquoi vous parlez contre lui, des choses de ce genre. Et ils ne savent pas qu'en réalité, ça fait partie de la religion. De mettre en garde contre les gens qui ont les erreurs, contre les gens qui ont des déviations, contre des gens qui ont des bid'a, pour pouvoir mettre en garde les musulmans. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça, en réalité, même c'est pas seulement quelque chose de recommandé, c'est quelque chose d'obligatoire. Hein? C'est quelque chose d'obligatoire de faire ça. Parce que sinon, tu laisses les musulmans dans l'ignorance à propos de ces choses-là, ils risquent de s'égarer. Ils risquent d'écouter à n'importe qui, puis par la suite de tomber dans l'erreur sur beaucoup de questions dans la religion. Donc c'est pour cette raison-là qu'il faut faire attention dans ces questions-là. Et donc, ça ne fait pas partie de Al-Riba, de parler contre les innovateurs. Sinon, vous allez voir dans les livres de hadith, les savants de l'islam, dans le passé, quand ils ont, par exemple, voulu préserver la sunna du messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ramené la chaîne de transmission de chaque hadith, c'est-à-dire qui est-ce qui leur a rapporté le hadith. Et ils ont mentionné dans des livres l'état de chaque narrateur. Donc il y a des collections de livres, on n'en a pas ici dans la mosquée, mais sinon ça c'est connu, qu'on appelle les livres de Rijal. Hein? Les livres de Rijal, Asma al-Rijal. C'est-à-dire, ça c'est des livres dans lesquels il y a les noms et les biographies des savants ou des rapporteurs de hadith. Et à chaque narrateur, qui sont classés en ordre alphabétique. Tu vois par exemple le nom de tel narrateur ou de tel savant et à côté de son nom, est-ce qu'il était sahih, est-ce qu'il était fiqa, est-ce qu'il était fiable, est-ce qu'il était daif, est-ce qu'il était sur une bid'a quelconque, est-ce qu'il était ci ou ça. Et donc tu trouves hein, les paroles des ulama sur ces gens-là. Il y a des livres même que les ulama ont écrits que sur les du'afa. Ad-du'afa. Le titre du livre c'est Ad-du'afa, c'est-à-dire les rapporteurs faibles. Hein? Et il y a d'autres livres, ils vont mentionner, le livre s'appelle Al-Majruhin, ceux qui ont été critiqués parmi les savants de hadith. Hein? Il y en a d'autres livres, c'est que à propos des fiqat. Ils mentionnent que ceux qui sont fiables dedans. Hein? Et ainsi de suite. Et on appelle cette science la science du jarh wa ta'dil. La science du jarh wa ta'dil. C'est-à-dire, le jarh, c'est la critique, mentionner les problèmes et les défauts des narrateurs. Et le ta'dil, c'est mentionner yani, ceux qui sont corrects, ceux qui sont bons, ceux qui ont une bonne mémoire, qui ont une bonne religion, et ainsi de suite. Et ça, c'est hein, des livres de science que les ulama utilisent pour analyser justement les chaînes de transmission et pour déterminer l'authenticité des hadiths ou la faiblesse des hadiths. Il y en a parmi les égarés, parmi les ignorants, qui ont dit « Ah, mais vous faites l'anamime, vous faites le riba » en parlant de ces livres-là. Et les ulama, ils ont répondu à ces gens-là, ils ont dit « Non, ça c'est pour préserver la religion d'Allah, ça c'est pour défendre la religion d'Allah. » Les savants de hadith, ils parlaient même, si on leur demandait par exemple à propos de leur propre père, dans la narration des hadiths, si c'était une question de savoir par exemple, est-ce que ton père, on peut prendre le hadith de lui? Ils répondaient, non, mon père il est daif dans le hadith, on ne prend pas de lui. Et alors que c'est son propre père. Mais la religion d'Allah est plus, a plus de valeur et est plus importante que yani, de dire que par exemple par rapport au respect de son père. Son père, il le respecte. C'est pas parce qu'il le respecte pas qu'il dit ça de lui. C'est parce qu'il veut préserver la religion d'Allah de toute forme de mensonge qui pourrait, hein, ou toute forme d'erreur qui pourrait être attribuée au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Donc pour le préserver, il va dire la vérité à propos de son père. Il ne va pas mentir ou cacher la vérité parce que c'est son père. Hein. Et ça c'est un exemple, mais il y a beaucoup d'autres exemples comme ça. Donc tout ça c'est pour dire que ce n'est pas de riba. Et pour, par rapport à l'innovateur, la même chose. Les ulama, ils ont dit il n'y a pas de riba contre l'innovateur. Si tu vas mettre en garde contre lui, mentionner ses égarements, mentionner ses erreurs, mentionner ses péchés, qu'est-ce qu'il fait comme égarement, comment il peut amener les gens loin de la sunna, il n'y a pas de problème à faire ça. Et ça, ce n'est pas de la médisance, ce n'est pas de al-riba. Et on n'a pas ici al-arba'un al-nawawiyya, pas al-arba'un al-nawawiyya, Riyad al-Salihin. Mais pour ceux qui connaissent le livre Riyad al-Salihin, c'est un recueil de hadith rapporté par, rassemblé par l'imam al-Nawawi. Hein? Hein? We have it in English. We have it in English, okay. So, le chapitre 256, c'est un chapitre qui s'intitule Babun ma yubahu min al-riba. Ma yubahu min al-riba. Donc, l'imam al-Nawawi, il a fait un chapitre sur al-riba. Et les preuves que al-riba c'est parmi les grands péchés et que c'est haram. Puis juste après, à côté, le chapitre suivant, chapitre 256, il dit Babu ma yubahu min al-riba. Qu'est-ce qui est licite de la médisance? Donc c'est pour dire qu'il mentionne des exemples. Et parmi les exemples qu'il dit, c'est de parler à propos de l'innovateur. Quand quelqu'un, tu le vois aller chez un innovateur pour apprendre, tu le mets en garde contre cet innovateur et tu l'avertis contre lui. Ça n'entre pas dans la médisance. La même chose que, par exemple, quelqu'un vient te voir, hein, il veut marier ta fille, il veut marier ta soeur. Puis toi, tu ne le connais pas. Tu demandes à quelqu'un, à son sujet, il te dit des informations. C'est une obligation pour toi de lui donner l'information à ce sujet-là. Hein? T'imagines que toi, tu sais que cette personne, c'est un voleur, que c'est un menteur, que c'est un tricheur, puis que tu vas te taire à son sujet, tu ne vas pas avertir les musulmans. Ça veut dire que tu es un complice, non? Dans ce comportement-là. Ça veut dire que tu vas te taire. Alors que tu sais que ton frère, il risque de donner sa sœur ou sa fille à un individu qui ne mérite pas, hein? Parce qu'il risque d'amener du mal à ta famille, d'amener du mal à ta sœur ou à ta fille. Hein? Donc, c'est dans ton devoir de lui dire ça. Et ça rentre pas dans la médisance non plus. La même chose aussi, tu vas, quelqu'un il dit, viens, je vais faire du commerce avec toi, je vais faire un business, on va ouvrir un commerce ensemble. Hein? Et lui, tu ne le connais pas vraiment bien, hein? Tu ne sais pas grand-chose à son sujet. Puis, par la suite, yani, quelqu'un vient te voir et dit, fais attention, hein? Si tu ouvres un commerce avec cette personne, c'est un escroc. Il a trompé beaucoup de gens. Il vient, il se présente comme ça, mais en réalité, hein, il n'a pas d'argent, ou bien il ment aux gens, il vole leur argent. Après, il s'en va et disparaît. Mais toi, si tu le sais, hein, tu sais cette information là à propos de cette personne, puis tu le caches, puis tu lui dis à la personne, non, il est correct, c'est un musulman, hein, c'est un musulman, hein, il fait la prière. Puis tu lui caches la vérité à son sujet, dans ce cas-là, t'as pas fait qu'est-ce qui est correct. Tu dis, mais moi, je veux pas faire la médisance, hein, je veux pas faire le riba. Ça, c'est haram de cacher ça. T'es obligé de le dire, t'es obligé d'avertir ce musulman-là. Hein, c'est obligatoire. de faire dans ce cas-là de parler contre lui, ça ne rentre pas dans le riba ou le namima. C'est à propos du témoignage. C'est celui qui cache le témoignage. Son cœur a commis un péché dans ce cas-là. Il fait un péché dans son cœur. Le fait de cacher la vérité à propos de ça. Donc c'est un témoignage qu'il doit faire. Le cheikh il dit ensuite: وحديث ابن مسعود فيه تحريم النميمة أيضا حيث قال ألا أنبئكم قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم أي أخبركم وهذا تعليم بطريق السؤال وهو أبلغ مما لو ألقى عليهم العلم ابتداء فقوله مثلا ألا أنبئكم ما العضه ألا أي ألا أخبركم ما العضه وهو السحر العضه هو السحر قال تعالى الذين جعلوا القرآن عضين أي قالوا إنه سحر معنى ألا أنبئكم ما العضه أي ما هو السحر الذي يفرق بين الناس ويبغض بعضكم إلى بعض هي النميمة القالة بين الناس وقوله القالة بين الناس أي أصحاب القول الذين يأتون طائفة بكلام ويأتون طائفة أخرى بكلام آخر للإفساد بينهم. Donc le cheikh il dit, et on va terminer ce cours aujourd'hui avec ce paragraphe, il dit, et le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه, il y a dedans l'interdiction de an-namima aussi. Et parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ala hal unabbi'ukum. Ne voulez-vous pas que je vous informe? Et ça c'est un enseignement par la méthode de la question et de la réponse. As-su'al wal-jawab. Et cette méthode, c'est une des meilleures méthodes pour enseigner. Parce que quand tu poses la question en premier, la personne elle va commencer à se poser la question, elle va chercher la réponse, elle va faire plus attention pour écouter. Tu dis, est-ce que vous savez c'est quoi Al-Adhu? Les gens ils te regardent, ils veulent savoir. Qu'est-ce que c'est Al-Adhu? Je ne sais pas. Alors, ça c'est une des méthodes d'apprentissage. Et il dit, donc, Ala ukhbirukum wal-Adhu wa sihr. Al-adhu, ayn, dad, ha, c'est la sorcellerie, c'est la magie. Donc il dit, est-ce que vous voulez que je vous informe de qu'est-ce que c'est al-adhu? Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit, alladhina yaj'alun al-Qur'an, alladhina ja'alu al-Qur'an, aydin, aydin. Donc qu'est-ce que ça c'est dans Al-Hijr, surat Al-Hijr, verset 91. C'est-à-dire, ceux qui ont dit à propos du Coran, que c'est de la sorcellerie. Les kuffars, chaque fois quand ils entendent le Coran, ils disent ça c'est de la sorcellerie. Et ils accusent même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'être un sahir, d'être un sorcier ou des choses comme ça. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, est-ce que vous voulez que je vous informe qu'est-ce que c'est la sorcellerie? Il dit, pourquoi il l'appelle sorcellerie? Parce que c'est quelque chose qui divise entre les gens, qui crée de la division entre les gens, et qui fait en sorte que les gens se détestent les uns les autres, sans qu'on puisse même réaliser pourquoi du premier, qu'on ne comprend pas pourquoi ça se passe. Comme je vous donnais l'exemple au début, quelqu'un t'était bien avec, t'étais ami avec la personne, tout allait bien. Puis du jour au lendemain, la personne, elle te regarde méchant, elle ne veut plus rien savoir de toi, elle ne veut plus te parler, elle est fâchée contre toi, puis toi tu ne comprends pas pourquoi. À cause de An-Namima, personne ne va voir un, elle dit des choses. Elle va voir l'autre, elle dit des choses. Ah, lui, il parle contre toi, il dit des choses contre toi, il t'insulte, il te déteste. Et elle va voir l'autre et elle dit la même chose à propos de l'autre. Donc, ça c'est An-Namima. Et en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous enseigne de dire, de faire le contraire de ça. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset dans Surah An-Nisa, je crois, Laïs, hein, La khayra fi kathirin min najwahum. La khayra fi kathirin min najwahum. Illa man amara bi sadaqatin ou ma'roufin ou islahin bain al-nas. C'est-à-dire, il n'y a pas de bien dans la plupart de leurs paroles secrètes. De leurs échanges, les paroles qu'ils font, les discussions secrètes qu'ils font les uns avec les autres, excepté pour celui qui ordonne de faire une sadaqa, de donner une aumône, ou de faire un bien, ou de faire la réconciliation entre les gens. Tu parles avec quelqu'un en secret, tu dis, mais Afi, pourquoi tu ne vas pas te réconcilier avec un tel, hein? Il te veut du bien, il ne pense pas du mal de toi, il n'a rien contre toi. Hein, pourquoi vous vous disputez pour rien? Pourquoi vous faites des problèmes entre vous? Hein? Et même c'est un des cas dans lesquels le prophète il a permis de mentir pour réconcilier des gens. Au lieu d'aller voir la personne, tu ne vas pas lui dire des choses mauvaises, tu vas lui dire des choses de bien, même si ce n'est pas vrai, dans le but de réconcilier entre deux personnes. C'est-à-dire, il ne pense pas le mal qu'il a. S'il a dit du mal, mais il ne pense pas vraiment. Il a des remords maintenant d'avoir dit ça, il ne se sent pas bien. Va le voir. Excuse-toi, va le voir. Demande-lui pardon, et ainsi de suite. Pour réconcilier. Eux, les gens qui font Namima, c'est le contraire. Ils vont mettre de l'huile sur le feu. Ils mettent l'huile sur le feu pour augmenter la discorde et la haine et l'animosité entre les deux personnes. Et donc, le cheikh, il dit pourquoi il l'appelle As-Sihr, c'est parce que ça divise entre les gens. Hein? Tu vois les effets, mais tu ne comprends pas pourquoi. Parce que ces gens qui font Namima, ils parlent derrière le dos et ils font les problèmes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a défini ou l'a expliqué en disant que c'est al-qalatu bayna an-nas. Al-qalatu bayna an-nas, c'est-à-dire les gens qui vont colporter les propos d'un groupe à l'autre et ils disent à l'autre la même chose, des propos mauvais et de la médisance de l'autre côté aussi pour faire de la corruption et du désordre entre les deux. Donc c'est ce qui vient donc conclure le sujet du chapitre d'aujourd'hui. Et donc on va s'arrêter là. Et puis, du coup, tu parlais de faire, tu fais l'action beaucoup. Mm. Et c'est que tu fais plus beaucoup. Mm. Là, c'est al-wazn al-fa'al. Donc al-fa'al, c'est celui qui fait l'action. Et al-fa'al... Fa'al, c'est celui qui le fait beaucoup. Ça fait partie des choses qu'on apprend quand on étudie ilm al-sarf. Al-sarf. Et il y a deux sciences. Il y a la science de al-nahw, qui est la grammaire, et il y a la science de al-sarf, qui est, comment je pourrais dire, la morphologie des mots. Et, ça s'appelle al-sarf. Sad, Ra et Fa. Et il y a d'autres formes pour rajouter de l'emphase. C'est pas seulement la forme fa'al, comme tu dis, c'est kir et tout. Ouais. C'est fa'il. Mais ça dépend du wazn, en tout cas, il y a plusieurs wazn comme ça. Hein, qu'est-ce que tu disais? Bon, aussi, il y a un autre mot que tu avais dit à la fin, là, c'était Aïn. Adin? Je sais pas si c'est Adin, tu avais. Al-Adhu. Al-Adhu, Aïn, Dad, Ha. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est-à-dire que la signification de Al-Adhu, c'est Al-Sihr. Aïn, Dord, Al-Adhu. Sauf que c'est un terme qui est moins employé. C'est la même signification, c'est un synonyme. Sauf que c'est moins employé que Al-Sihr. Al-Sihr, c'est plus commun. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande, est-ce que vous voulez que je vous informe qu'est-ce que c'est, hein? On peut dire adou à la base des sihr. On peut, oui, mais comme je dis, sihr c'est plus... Si vous dites al-adou, la plupart des gens ils comprennent pas qu'est-ce que ça veut dire, parce que c'est pas un terme qui est connu. Ok, non. Donc tu peux dire sihr à la place. Oui, bien sûr, sihr. Et la semaine prochaine, le sujet sera al-buhtan. Donc ça c'est la calomnie. Donc ça on va en parler au prochain cours, inshallah la semaine prochaine. Là maintenant on va s'arrêter pour la pause, et puis dans quelques minutes, peut-être 5 minutes inshallah, on va commencer l'autre cours al-amr bil-uzum al-jama'a. الأمر بلزوم جماعة المسلمين ترى 5 minutes إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.